fête de l'humanité. Débats, expos, cirque, village du monde avec 110 pays et plus de 50 concerts. The Chemical Brothers, Laurie Neal, Michel Polnareff, The Avener, Alain Souchon et Laurent Voulzy, Lindsay Sterling et bien d'autres. La fête de l'humanité, 3 jours pour refaire le monde, les 9, 10 et 11 septembre à La Courneuve. Bonjour Nagui. Bonjour, pardon. Donc il y aura Bérénice Bejo, Stéphane de Groot et en live Imani. Vous savez tout. Bonne émission Nagui. Merci, il est 11h. Pardon. Il est 11h sur France Inter. Le flash, Laetitia Gaillet. C'est maintenant au juge d'instruction de décider si oui ou non il doit y avoir un procès dans l'affaire Big Malion. On l'a appris ce matin, le parquet de Paris a requis la semaine dernière le renvoi de l'affaire Big Malion devant le tribunal correctionnel, ce qui signifie qu'il pourrait donc y avoir un procès pour Nicolas Sarkozy, mais aussi 13 autres prévenus. L'ancien chef de l'État est poursuivi dans ce dossier pour financement illégal de campagne électorale en 2012. Il est soupçonné notamment d'avoir dépassé le plafond des dépenses. Plus globalement, l'affaire Big Malion porte sur un système de fausses factures. Elle a fait les comptes, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il ne lui manque plus que 4 parrainages de parlementaires pour pouvoir participer à la primaire des Républicains et une centaine d'adhérents. L'ancienne ministre a lancé un nouvel appel hier lors de l'université d'été de son parti à La Baule. Pour pouvoir participer à la primaire des Républicains, les candidats doivent réunir au total les parrainages de 250 élus dans 30 départements, dont 20 parlementaires et 2500 adhérents du parti. Ils ont pour cela jusqu'à vendredi. Élèves musulmans, seuil de tolérance. Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du Front National, évoque ce matin à nouveau une classe de sa ville où 91% selon lui des élèves sont musulmans. Cela pose, dit-il, problème. Il y a des seuils de tolérance. Les gens en ont ras-le-bol de l'immigration et des clandestins. L'islam, dit-il, Robert Ménard, et la chrétienté n'ont pas le même statut dans notre pays et ne doivent pas l'avoir. Au printemps dernier, sur ce même sujet, les propos de Robert Ménard avaient suscité la polémique. Une enquête avait été ouverte pour vérifier l'existence éventuelle de fichiers illégaux à la mairie avant d'être classée sans suite. Nouvelle démonstration de force de la Corée du Nord. Ce matin, Pyongyang a tiré 3 missiles balistiques au large de sa côte orientale. Ces missiles se sont abîmés en mer du Japon. La Corée du Nord a choisi son jour et son heure pour se rappeler au bon souvenir de la communauté internationale et surtout de son voisin chinois. La Chine accueille à Hangzhou le G20 et les tirs ont eu lieu quelques heures à peine après une rencontre entre la présidente sud-coréenne et le président chinois. Autre rencontre à Hangzhou ce matin, celle de Barack Obama et de Vladimir Poutine. Les présidents américains et russes ont parlé Syrie, mais selon une source diplomatique, ils ne sont pas parvenus à un accord. Washington et Moscou sont notamment en désaccord sur le sort du président syrien. Sur le terrain, en Syrie, une série d'attaques à la bombe dans plusieurs villes syriennes ont eu lieu ce matin. Selon les médias d'État, au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées. Les explosions ont eu lieu dans 2 villes acquises au régime de Bachar el-Assad et dans un territoire contrôlé cette fois par les forces kurdes. Internet est revenu au Gabon ce matin. Les liaisons ont été rétablies toutefois partiellement puisque les réseaux sociaux sont toujours inaccessibles. Internet était coupé depuis 5 jours depuis l'annonce de la réélection contestée du président Ali Bongo. Enfin, attention, danger exceptionnel. Il pleut certes sur une partie nord de la France, mais dans les Bouches-du-Rhône, cette journée est classée en danger exceptionnel pour les risques d'incendie. Une procédure assez rare pour les pompiers du département, mais les risques sont importants en raison du vent et de la température qui est élevée. Tous les massifs forestiers dont l'accès est réglementé sont aujourd'hui totalement interdits. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, faut-il dramatiser la question climatique? Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré, avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursée sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le livre sur la place à Nancy, du 9 au 11 septembre. 3 jours de rencontres et de lectures avec plus de 600 auteurs présents au premier salon national de la rentrée littéraire, présidé par Philippe Claudel. Nancy fête le livre dans un cadre patrimonial unique au cœur d'une des plus belles places du monde. et retrouvez On va déguster en public de l'Opéra National de Lorraine vendredi 9 septembre à partir de 15h45. Renseignements sur franceinter.fr. Parce que c'est comme ça sur France Inter. Absolument. Nagui et la bande originale et tous ses copains. Oui, merci Laetitia. À tout à l'heure, midi pour d'autres infos. À tout à l'heure. C'est la bande originale. Soyez bienvenus avec Leïla et Camille Boudadri. Bonjour à tous. Tom Villa, Daniel Morin, Frédéric Chevrist. Tout à l'heure, Imani sera ici en live et nos invités sont Bérénice Béjot et Stéphane Degros. Bravo. Bérénice Béjot, Stéphane Degroote, merci mille fois en tout cas de venir nous parler de tout ce que vous voulez, cette nouvelle pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui visiblement ont racheté le théâtre Édouard VII. C'est leur spot, c'est leur adresse. Ah oui, ils ont joué le prénom là, ils ont fait... Bonjour d'abord. Bonjour. Qu'est-ce que ça se dit. Je suis très content d'être là, Nagui. Je suis content de nous voir. Je vous aime bien, moi. Mais moi je vous aime tout court. Et nous ah, voilà, pourquoi. Ouais, mais je vous aime beaucoup. Après. Oui, après. Moi je vous aime tous. Merci. Ah, mais la vie, c'est chouette la vie. Et quand il pleut, c'est moins drôle. C'est bizarre, il y en a bien, c'est la vie. Que disiez-vous? On disait cette liaison entre Bernard Murat, Édouard VII et les auteurs Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, parce que c'est la troisième pièce en fait, qui est montée, oh, présentée. Ok, salut. Tom Villa, vous savez pourquoi Bérénice Béjot et Stéphane Degroote sont nos invités? Pas du tout. Ah bon? Non. Je croyais que vous aviez compris. Bah non, je suis désolé, j'ai pas compris. Je vous rassure, c'est pas contre vous, Bérénice ou Stéphane. Vous êtes venus rester. Mais déjà. Non, mais... Je suis venu rester. Non, mais déjà, Nagui, vos deux invités n'ont rien en commun. L'une a connu le succès en ne parlant pas et l'autre en parlant trop. C'est quand même bizarre, tu c'est vois. Vrai, non, je comprends pas pourquoi vous êtes là ce matin. Tout ce que vous voulez, mis en scène par Bernard Murat, écrit par les auteurs du prénom, avec la césarisée Bérénice Béjot et le bankable Stéphane Degroote. Le tout au théâtre Édouard VII. Donc là, c'est plus une pièce de théâtre, c'est un algorithme de salle pleine assurée. C'est vrai. Nagui, c'est pas du tout France Inter. C'est pas du tout France Inter. Depuis quand on invite des gens qui vont avoir du succès? Et demain, on reçoit qui? Berléand pendant que vous y êtes? Ouais. Ah ben voilà, mais on est foutus. Moi, je dis qu'il faut recevoir des gens à qui il manque des heures d'intermittence. Moi, je suis venu pour ça, Inter. Hein. Vous voulez qu'Augustin Trappenard nous dise plus bonjour? Mais si, il nous dira bonjour. Mais non, voilà. Et le masque et la plume, ils vont nous rayer des invités de la fête du CA. Moi, je vous le dis. Non, il faut recevoir, je sais pas. Ils nous parlent pas déjà. Michel Piquet et Christine Facco, pour leur pièce, il manque un pied à la chaise. Voilà, ça, c'est France Inter. Ou Fabrice Midem et Jacques Audieux pour la pièce en lituanien Le Hibou au bec de lièvre au théâtre des Marronniers. Je rassure les auditeurs qui seraient tentés par ce chef-d'œuvre lituanien. Pas du tout. La pièce est surtitrée en français. Alors à noter que vous aussi, Bérénice et Stéphane, votre pièce est surtitrée en anglais. Donc voilà. Donc si les gens regardent en l'air, c'est pas qu'ils se font chier, c'est que c'est des touristes. Hein. Bérénice et Stéphane. Ça ne concerne que quelques places précises dans le théâtre. Ouais. Et en matinée, on la joue en anglais et elle est sous-titrée en français. Ah. Alors le pitch de la pièce, tout ce que vous voulez. Bérénice, vous incarnez Lucie, qui est auteure à succès et qui n'arrive plus à écrire parce qu'elle est heureuse. Le fameux syndrome de l'artiste torturé qui écrit bien que dans le malheur. Et vous remarquerez que Daniel Morin écrit beaucoup. Ouais. si ça pouvait marcher à chaque fois, c'est vrai, comme ça, on viendrait à souhaiter qu'Alain Finkielkraut soit vraiment très très heureux dans sa vie. Ce qui nous éviterait de gâcher du papier. Alors, un tuyau pour tous les auteurs qui nous écoutent. Si vous n'arrivez plus à écrire parce que vous êtes heureux, un conseil, allumez BFM TV. Voilà, comme ça c'est rapide, c'est fait. Stéphane Degroote, vous jouez le nouveau voisin qui va remédier au bonheur de Lucie. C'est vrai que niveau énervement, en général, le nouveau voisin, c'est une valeur sûre. À égalité avec la nana de la poste et le mec qui dit au jour d'aujourd'hui, voilà. Moi-même, j'avais dans mon précédent appartement un voisin très voisin. Il passait tellement de temps chez moi qu'à un moment, je lui ai proposé de partager le loyer. Non, c'est vrai, c'était limite quand il venait demander du sel. S'il me disait, non, te lève pas, je sais où il est, t'inquiète. Franchement, on était au bord du cambriolage. Hein. Et le rôle du voisin relou, Stéphane, eh ben, il vous est attribué. Alors par contre, Stéphane, niveau voisinage, c'est la classe. Là, votre voisine, c'est Bérénice Béjot. Dans une heure de tranquillité, vous étiez le voisin de Christian Clavier. Comment vous faites? Mais moi, ma voisine du dessus actuelle, c'est une prof de piano et de chant lyrique. J'ai réussi à choper Marianne James et Richard Lornac en une seule personne. Pas de cul, quand même. Bref, en résumé, si vous aimez les gens malheureux, les voisins intrusifs et quand Stéphane Degroote ne fait pas de jeu de mots, tout ce que vous voulez est fait pour vous. Ah, oh, il y en a quand même. La bande originale, la vie sur France Inter. Justement d'ailleurs, c'est la première fois, Bérénice, que vous allez vous retrouver sur scène. Vous avez expliqué que tant que les enfants étaient en bas âge, vous ne vouliez pas aller au théâtre. Maintenant qu'ils sont grands, super grands, ça reste des petits, 8, ça reste des petits schtroumpfs, voilà. Il n'y a, dites... a pas l'inverse de bas âge, il n'y a pas haut âge, ça ne veut rien dire. Si, malheureusement. Otage, oui. Malheureusement, c'est à l'âge où ils partent. C'est pas mal haut âge. Donc vous vous retrouvez sur scène pour la première fois. Stéphane, vous avez déjà fréquenté, vous aviez joué le prénom en Belgique, donc vous les connaissez bien dans leur style, dans leur rythme. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a séduit, Bérénice, dans cette pièce? Où le résumé était là, c'est, je reprécise un tout petit le peu. Le résumé était là. Un tout petit peu. Non, mais c'est raccourci, on voit que tu l'as pas lu la pièce. c'est raccourci. Mais en l'occurrence, vous faites vous provoquez une inondation chez votre voisin. Vous êtes extrêmement désagréable au début, ce qui doit peut-être rajouter à votre pouvoir de séduction, parce qu'il ne comprend pas, ce voisin, pourquoi vous êtes si méchante. Il finit par comprendre qu'il y a un problème dans votre créativité. Parce qu'il n'y a pas de problème dans sa vie, c'est ça le paradoxe. Trop heureuse. Pas d'inspiration pour être... parce que trop heureuse. Moi, ce qui m'a vraiment plu tout de suite, c'est que c'était drôle, quoi. C'est que c'était drôle, que c'était frais, c'est bien écrit, ça nous touche. Ça c'est nous du sur-mesure, pardon. On a l'impression qu'elle a été écrite pour vous, cette pièce. Bah, en tout cas, je m'y sens de mieux en mieux. J'y suis pas encore au top. Mais ça fait 3 ans que je fais des choses assez dures, des sujets qui sont assez dramatiques. Et là, j'ai lu cette pièce et j'avais vraiment envie d'aller amuser les gens, leur faire plaisir, leur apporter un peu de bonheur et m'apporter un peu de bonheur. Parce que pour donner du plaisir, il faut en prendre. Et ça a été évident tout de suite. Après, j'ai rencontré Stéphane 2 jours après. On a fait une lecture. On a fini la lecture. Tout le monde avait les larmes aux yeux. De rire. De rire et d'émotion. Ouais. Et je me suis dit, bon, ça va, c'est ce qu'il faut que je fasse là tout de suite. C'est confortable, Stéphane, de se retrouver avec les mots d'un autre, les vannes d'auteur quand on est soi-même auteur. Tout à fait, c'est beaucoup plus confortable. Faut lâcher prise. Moi, j'aurais beaucoup de mal à jouer un texte que vous auriez écrit. Que j'aurais écrit, oui. Parce que quand on est comédien, c'est ça la contrainte, c'est de s'appliquer, de s'adapter à l'univers de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus riche et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vous parliez de sur-mesure, pardon, mais c'est assez étonnant. Ces auteurs-là créent et écrivent des histoires qui nous concernent tous quelque part, à un moment donné. D'emblée, on n'est pas dans le personnage, c'est pas un personnage qui a été écrit pour Bérénice ou pour moi, mais on y va, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure à l'envers. On se met dans le costume petit à petit, et puis on se retrouve dans ce costume qui est fait, et à l'arrivée, vous avez l'impression qu'il est effectivement fait pour vous, parce qu'il est fait pour tout le monde. Mais il le taille aussi en fonction de nous, ils sont là aux répétitions, et ils nous accommodent. Jour après jour, on le retaille, mais... Ouais. Pas droit d'auteur, ils ont encore une semaine devant eux. D'ailleurs, mais pas de droit d'auteur. Ça sera le 13, la première au Théâtre Édouard VII. Et le texte a beaucoup évolué depuis que vous le répétez. Ce sont les mêmes intentions, ce sont évidemment les mêmes personnages. C'est, comme le dit Bérénice, désormais les répliques, les intentions sont un peu plus adaptées à ce que nous sommes l'un et l'autre. Alors les répliques, justement, elles sont très contemporaines puisqu'il y a plein de références. Avec du name dropping surtout. Ah non, mais ça a été. C'était gommé. Ça a été coupé. Ah pardon, d'accord. Mais vous ne pouviez pas le savoir. Mais on a. Il n'y a plus aucune vanne sur Daniel Auteuil, sur Zeller. Si, il y a juste Daniel Auteuil. Alors on ne révèle pas la vanne, mais il y a une belle vanne sur Daniel Auteuil. Le service juridique qui vous a poussé à ça. Non, mais petit à petit, c'était pas. Mais elle était développée, par exemple, par rapport à ce que vous avez lu. Ouais. La vanne de Auteuil a évolué. D'accord, bah ouais. on sera là, on va aller voir au théâtre dans ça, ce que ça va donner. Que Daniel Auteuil nous rejoigne sur scène. Ce serait chouette. Comme Elmo Snino. Mais Daniel, ne vous inquiétez pas, c'est chouette, c'est gentil ce qu'on voit. Elmo Snino est cité aussi dans la pièce. Alors là, évidemment, parce qu'il a lui-même participé à la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre Delaporte. Atelier la précédente, et sans dévoiler ce qui se passe, il y a un effet de mise en scène assez surprenant, même extrêmement original, voilà, qui a lieu vers le dernier tiers de la pièce. Une mise en abîme, parce que c'est du théâtre sur du théâtre, la question c'est de savoir comment l'auteur, la dramaturge que vous incarnez, Bérénice, se met en scène elle-même pour susciter la possibilité d'écrire à nouveau. Exactement, c'est une femme qui écrit sur sa vie, sur ce qui l'entoure, et à un moment donné, le spectateur aura l'occasion de le voir, vraiment. Et vraiment, c'est une pièce à tiroir, et moi, la première fois que je l'ai lue, j'étais tellement surpris de voir qu'il y avait un rebondissement, puis un énième rebondissement. cette pièce vous emmène quelque part et en fait pas du tout, elle va ailleurs. Même nous, on est surpris, on est cueillis. Alors, pardon, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que simplement on peut dire que ce fameux voisin va essayer d'expliquer avec quelle mécanique l'auteur peut retrouver l'inspiration et Il va l'aider à réfléchir sur elle-même à ce qu'elle est et qu'en fait, oui, c'est comme parce qu'elle peut pas imaginer. Il y a un problème entre imagination et réalité dans son écriture. Fiction, voilà. Oui, c'est tout ça. Et moi, j'essaye de faire la part des choses. Je suis totalement étranger à cet univers-là. Moi, je suis fiscaliste dans la pièce, j'entends. Ce qui n'est pas pareil que banquier. Ah non, c'est même très différent. Et ça fait l'objet d'une scène, voilà, clairement. Donc évidemment, c'est pas mon univers. Et j'essaye moi avec mes mots, avec mes références, de lui expliquer que c'est pas si grave ce qui lui arrive. En l'occurrence, rien. Mais il va surtout lui réapprendre à s'amuser de la vie, à s'amuser avec la vie et à voir. Parce qu'elle s'amuse elle-même avec elle-même, ouais, à s'aimer à nouveau, à avoir de l'humour, du recul et à se rendre compte que finalement elle a pas mal de choses autour d'elle qui sont assez intéressantes. Dont son mari et peut-être que la situation, la présence de ce voisin peut chambouler les donnes et les cartes de toute votre vie. Oui. Je ne vais pas trop balancer. Non, faut pas, c'est un Frédéric, peu compliqué. Ouais, c'est délicat parce qu'il y a des surprises. Mais une dimension, effectivement, où on voit que le personnage de Stéphane apprend quelque chose au personnage de Bérénice, mais il y a aussi une phase de vampirisme de sa part à elle. Et c'est marrant parce que ça peut être soit une comédie dramatique, parce qu'elle est beaucoup plus subtile qu'on pourrait l'imaginer. Mais c'est pour ça qu'on ne sait pas comment ça se... Ouais. On peut pas. Il y a deux lectures, même 3-4. Hein, Mais d'ailleurs, la séance de travail que nous avons eue hier, c'était ça. C'était un dimanche. Oui, on travaille tous les jours. C'est bien. Il faut terminer ce cliché de l'intermittent qui ne travaille pas. J'ai le dimanche, ça va, ils ont le droit de se reposer aussi. Et donc hier, on cherchait justement une intention, parce que ce n'était pas évident pour nous. Il y avait plusieurs lectures possibles, il y avait plusieurs registres de jeux possibles. Donc jusqu'à une semaine de la première, on s'amuse encore à trouver la juste interprétation, parce que ce n'est pas évident. Vous avez le track changé beaucoup, la fin. Vous avez le track, Bérénice? Ouais, là je suis vraiment, je suis pas au top là. Vous pensez que vous allez y arriver? Je me dis que je dois y arriver. Elle va y arriver. Mais je suis très fatiguée, tendue. Et puis la rentrée des classes, il y a tout. Non, puis, et puis pardon, ouais. Il y a la promo aussi. Je vous puis ai vu. Il y a beaucoup de choses hier, qui sortent vous aussi. Hier, vous étiez au 20h avec Laurent Delahousse, Audrey Tautou et Mélanie Laurent pour parler. C'est des problèmes de riches, hein, quand même. D'éternité. Non, tout mais va bien. C'est vrai. Non, mais c'est important de le dire. Tout va bien. J'ai beaucoup de travail, donc je vais pas me plaindre. C'est juste que ça fait beaucoup de choses pour un petit corps. Il faut pas. Parle-nous ton cœur. Non, mais si Michel était là pour s'occuper au moins des gosses, mais bon. Allez, parlons de la famille. Voilà, Michel Hazanavicius affiché en 2 secondes. Sinon, je voulais dire, dans la pièce aussi, il y a quelque chose de moins léger, c'est la peinture qui est dressée du monde du théâtre, des auteurs qui sont attendus par les théâtres, qui doivent faire une pièce, les billets sont vendus alors que le texte n'est pas encore écrit, les comédiens qui sont qui capables... Qui n'ont aucune limite, la phrase je l'ai sous les yeux. Sont capables de tuer. Ils n'ont aucune limite, ils peuvent tuer pour un rôle. Si demain vous autorisez le meurtre dans la nuit, vous enterrez la Comédie Française, Podalides, Lafitte, Gallienne. Eh ben c'est bien parce que tout ça a été coupé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste dans la pièce alors du coup? Et les saluts à la fin. Tout ce que vous avez adoré n'est plus dans la pièce. Non, mais c'est pas spécialement adoré. C'est déjà ce qui m'avait. Non, ça a été gardé, mais plus les noms en fait. Ouais. C'est qu'il y avait beaucoup de name dropping. Voilà, c'est qu'il y avait beaucoup de noms balancés. Mais peut-être trop en fait. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas utile. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est formidable de travailler avec ces auteurs-là, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Ils nous écoutent, ils nous entendent, ils entendent nos demandes, nos suggestions, et puis ils effacent pour que la pièce soit la plus efficace possible, la plus juste. On avait un peu peur que ça fasse private joke, quoi. Enfin, tout le monde n'est pas obligé de. Donc, du coup, de garder le fait que les acteurs sont prêts à tuer pour un rôle. Tout le monde n'est pas obligé de connaître Lafitte, il va bien le prendre. On s'est posé la question parce qu'à un moment donné, il y avait Manuel Valls aussi, on n'était pas sûr, tout le monde ne connaît pas Charles de Gaulle, connaît, du coup. On l'a pas coupé, mais pour que tout le monde se sente à l'aise, quoi. Oui. En tout cas, l'actualité est bien présente. On sent que cette pièce est ancrée dans notre société. Plus maintenant, ça se passe au 18e siècle qu'on écrit. Là, Mathieu et Alexandre vont revenir avec les Je trouve qu'on la vend bien, celle-là. tout ça donc se passe au théâtre Édouard VII à partir du 13 septembre, c'est-à-dire J-8 maintenant, pour tout ce que vous voulez. On parle des auteurs, et je voudrais juste saluer Bernard Murat. Mais je l'ai dit tout à l'heure, qui mettait en scène. Oui, mais je le redis. Ah d'accord, ok. Parce que c'est tellement le pied de travailler avec lui et Léa, qui est son assistant, qui est plus que son assistant Léa d'ailleurs. Léa Moussi, exactement. Et surtout pour dire qu'il y a cet effet de mise en scène dont on ne peut pas parler, que l'on ne peut pas révéler, mais qui est un effet extrêmement moderne et efficace dans, un moment crucial de cette pièce. Tout ce que vous voulez. Et vous, vos oreilles ont sifflé, Léa, quand on vous a dit que Bérénice et Stéphane étaient nos invités. Et oui, et immédiatement, Bérénice Béjot, j'ai une vision, je vous revois. Portant une robe couleur du ciel à pois blanc, totalement démunie face à la bêtise de Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, alias Jean Dujardin dans Le Caire ni d'espion, et je ris encore de ce dialogue génial. Vous voyez l'automobile derrière moi ? C'est un petit moment qu'observe. Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Avec cet espion, ce museur magnifique, vous êtes entré, Bérénice, dans un cycle de légendes. Stéphane, est-ce que vous êtes amateur d'OSS 117 ? Alors ça, c'est totalement ce que j'aime. Et je crois qu'il y a un troisième qui va arriver, non ? Michel Hazavicius avait l'air de dire qu'il y a un troisième Jean, volet. Mais surtout, Jean Dujardin, à ce micro, avait dit qu'il était pris, qu'il attendait des nouvelles de Michel. Non, mais il s'aime beaucoup, ils aimeraient bien, mais là, pour le moment, il n'y a pas le sujet. Jean Dujardin a dit que c'était tourné, même. C'était tourné, déjà. Ils m'ont pas dit, je dois pas être dedans. Quand je pense à présent à vous, Stéphane de Groot, j'entends votre timbre particulier, difficile à définir. Je pense au tricot, pour votre malicieuse manière de jouer avec les mots et de les donner à entendre différemment. C'était par exemple le cas au César, en 2014, le meilleur moment de la soirée. Remettons à présent le César du meilleur son. Ah, je pensais qu'on remettait le César du meilleur son. C'est ce que je viens de dire. Pas entendu. Effectivement, remettons à présent, ou à demain, pour ceux qui ont le courage de revenir, le César du meilleur son. Car bien que le cinéma soit souvent une affaire de blé, on ne peut nier l'importance du son. C'est beau. C'était plus long que ça, mais enfin, allez voir en ligne, c'est merveilleux. Ah bah oui, on va pas réécouter toute la cérémonie. C'est mais ça. Non, mais juste les passages de Stéphane. Le discours s'est réalisé, quoi. Juste les passages de Stéphane, franchement, ils sont merveilleux. Marquez plus que Marc Lavoine et on y était, quoi. Remettre un... C'était dit. C'était dit à la fin. Oui, il y était, c'est pour ça. Okay. Remettre un prix comme ça, Stéphane, dans une cérémonie officielle, importante, est-ce qu'on le prend comme une reconnaissance aussi autant que d'être appelé à recevoir un prix ? Alors, je ne sais pas si c'est une reconnaissance, mais ça veut dire que vous existez. Mm. Et dans ce milieu, c'est important d'exister. Et vous doutez d'exister ? Ah oui, c'est un long... C'est bien. C'est une longue question. On peut faire plus une émission là-dessus. À la fin, vous allez nous devoir 150 euros pour la séance de psy. Un texte comme celui-ci vous a pris énormément de temps. J'imagine qu'il y a une pression encore supérieure à celle de faire une chronique en télé. Oui, oui. Ouais. Oui, ça m'a pris le même temps que celui que je consacrais à l'écriture de mes chroniques. Quand vous arrivez comme ça pour la première fois devant toute la profession où les gens se disent mais au fond c'est qui au fond ce type dont on a entendu parler, qu'on a vu à gauche à droite mais on sait pas vraiment qui c'est et qui vous attendent au tournant en disant bon ben il écrit alors il va écrire quelque chose et soit drôle donc effectivement il y a une pression, j'étais assez tétanisé avant de monter sur scène, tout le monde m'avait dit tu vas voir c'est épouvantable cette salle et en fait non, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été très bien accueilli et j'étais ravi de faire ça avec Cécile de France. Et enfin, quand je pense à ce couple que vous formez, ce duo que vous formez sur scène, je pense à un autre couple qui vous concerne, Bérénice. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. La moitié. Ah tiens. La moitié. Je veux la moitié. C'est toi qui lâches pas. Tu lâches pas parce que tu veux pas que je parte, en fait. C'est le couple en pleine séparation, ou déjà séparé, que vous formez avec Cédric Kahn dans L'économie du couple de Joachim Lafosse. C'est un très beau film qui est sorti début juillet. Pourquoi vous riez, Bérénice ? Parce qu'il ne l'a toujours pas vu. Ah d'accord, et bien pourtant, c'est un très beau huis alors clos, qu'il est Stéphane. Bah, je lui ai donné un carton, il suit ma promo. C'est un très beau huis clos, Stéphane, vraiment. Ces deux personnes sont obligées de cohabiter parce que Boris n'a plus les moyens de se reloger. Et c'est un film belge en plus, parce que Joachim Lafosse est belge, donc ça vous fait deux raisons d'y aller. Il va toujours pas. J'en reste muet. Pendant la répétition, tu débrouilles le matin à 9h30. On traduit le par je dis ça, mais je dis rien. Il veut pas. Et ben, vous allez pouvoir vous mettre sur la tête pendant que Imani va chanter The Wrong Kind of War. C'est le nouvel album d'Imani qui est sorti à la fin de cet été. C'est sorti fin août, me semble-t-il. Le 26 août, voilà, qui est précis. Elle est accompagnée en live par Stéphane. Il y a deux Stéphane d'ailleurs, un à la basse, un à la guitare électrique. Jeff, Taoufik, Lauriane, Rodolphe, Julien, tout ça est en live. Moi, j'ai envie de l'appeler Clap Your Hand, mais sinon, ça s'appelle The Silver Lining. C'est parti, c'est Imani en live dans la bande. There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. Our love is found in the wrong kind of dream. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you run or you hide away. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always peace to make mistakes, not always time to make a mend. There is no shame to ask for help, and there's always hope in a landing end. Don't be scared to make a change. Take a chance, take a chance. But don't be scared to make a change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands. Oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands. Oh, clap your hands, let go, clap your hands. Bon, ça s'appelle du c'est l'avantage au moins du direct. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que c'est du direct et que c'est du live. Voilà, petit Larsen, pas bien grave par rapport à la qualité du son. Heureusement, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est pas arrivé pendant la chanson. C'est vrai. Au mieux que ça arrive pendant l'interview. C'est super, bonne, c'est super. Elle est super. Ah non, mais tout est bien et tout l'album est extrêmement bon. Moi, il y en a une que j'adore. T'en plein. Fille de la chair de poule, la voix d'Imani. Ça s'appelle Lately, il y a aussi Nothing to Save. Save Our Soul, ça ouvre l'album. Alors c'est votre deuxième album, Imani. On entend toujours des explications sur oui, ce deuxième album, album de la maturité. J'ai changé totalement ma manière de travailler. Qu'est-ce que vous ressentez sur ce deuxième album? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous par rapport au premier, où peut-être vous aviez mis tout ce que vous stockiez comme envie musicale pendant des années? Bah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, on a écrit une cinquantaine de titres pour en garder que 12. C'est énorme, ouais. Oui, c'est énorme, ouais, je confirme. Et c'est pas frustrant d'en jeter ou d'en mettre de côté autant, peut-être qu'ils serviront plus tard, mais... Oui, c'est un peu frustrant parce qu'au moment où vous les écrivez, vous avez l'impression qu'elles sont géniales. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous dit non. Moi, je vais bien les prendre pour chez moi. Hein. Ouais, pourquoi faire confiance à celui qui dit bah non, on va les mettre de côté? Parce qu'il a plus de recul, souvent. Il a plus de recul parce que forcément, on va aimer ses chansons tout de suite. On les a faites, ça sort de nous. Et c'est puis comme on a les enfants. C'est exactement ça. C'est comme les enfants. Oui, ma femme, elle est très. Oh, je les adore. Et moi, j'ai dit non. T'as plus de recul, tu veux dire. C'est pareil, il en a fait 50, ils ont regardé 18. 12, je sais plus. À l'âge de 15 ans, vous avez lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée. Ça a bouleversé votre vie. En quoi? C'est vrai. Bah parce que moi, j'ai été élevée d'une manière assez traditionnelle. Mes parents sont d'origine comorienne. Et même vous êtes l'aînée hein, de la fratrie? Non, je suis la troisième, mais je suis dans le peloton de tête. Après les devoirs, il fallait aller faire la cuisine et éplucher les patates, alors que mon frère, il avait le droit de jouer dehors. Donc moi, je pensais que ma vie, elle allait être comme ça, comme les femmes autour de moi. Peut-être pas soumise, mais en tout cas bien, bien rangée. Je serai mariée, j'aurai mes quatre gosses, et puis voilà. Et je pourrai attendre la mort. Et du coup. Ça donne envie de dire ça. Oui, voilà. Et quand j'ai lu les Mémoires d'une jeune fille rangée, j'ai compris qu'en fait, non, il y avait autre chose dans la vie. À 15 ans, après, j'ai rasé ma tête. Bon, je suis allée un peu dans la radicalité, peut-être, mais en tout cas, ça a changé ma vie. Ouais. Et vous sentez. Vous sentez une femme forte en termes de caractère? Vous savez ce que vous voulez? Vous avez du mal à vous laisser influencer ou guider par d'autres? Alors, je ne sais pas si je suis une femme forte. En tout cas, j'essaie tous les matins de faire en sorte que la journée se passe bien. Après, je ne sais pas forcément tout le temps ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. C'est déjà beaucoup. Ouais. Énorme succès cet été. C'était la bande originale d'un film, Dredana, c'est ça? Qui s'appelait Sous les jupes des filles. Et qui a été remixé par des DJ. Ça a donné ça. Ah ben on l'a entendu tous les deux, ça c'est énorme, énorme succès. Alors c'est pas votre version, c'est la version des DJ, votre version elle est plus comme ça. La version acoustique. Ça fait quoi d'entendre son morceau se faire tordre le cou, si vous voyez l'expression que je veux employer? Au début, j'ai bien rigolé, je dois être honnête. Au début, j'ai ri parce que entre leur production et la mienne, ça change complètement le sens de la chanson. Moi, je suggère de déshabiller la personne, l'autre... Fous-toi à poil. C'est pas la même chose. Donc au départ, tu ris. Et puis en fait, moi, j'ai pas tellement eu de problème par rapport à ça parce que sur le premier album, il y avait déjà eu plein de remixes dans d'autres pays. Et j'ai vite compris que quand on fait une chanson, à partir du moment où on la sort, elle vous appartient plus. Oui, mais alors, pardon pour ma question extrêmement vicieuse. Ouais. Quand vous faites votre version, on l'aime, c'est la BO d'un film et on y voit le sens que l'on veut. Ouais. Mais il n'y a pas, pardon, ce succès populaire. Il n'y a pas toutes les boîtes de nuit du monde qui se mettent à le jouer. Et quand ça devient ça, ça devient planétaire. Ouais. Donc est-ce que ça, pour vous, artistiquement, c'est pas une leçon en disant... Il faut peut-être aussi que, par rapport à quand la chanson ne vous appartient plus, je dois la confier plus encore à des producteurs qui sauront arranger. Artistiquement, peut-être pas, financièrement, certainement. Non, mais artistiquement, pardon, une fois qu'il y a une mélodie, je comprends au niveau du sens de la chanson. Moi, la mélodie, pour moi, elle est exactement la même, à tel point que la première fois que j'ai entendu le remix, je croyais que ça venait d'elle. Je me suis jamais dit, elle s'est fait déposséder de la chanson par des DJ qui n'ont cherché qu'à faire de l'argent. Non, mais, sincèrement, je pensais que c'était. Je comprends ce que vous dites. C'est la même histoire que pour Lilywood and the Brick, quand ouais, ils disent. C'est ouais, c'est ça. Mais en fait, tout dépend pourquoi on fait la musique. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il dit, financièrement, c'est, effectivement, ça change quelque chose. Parce qu'en ce moment, où peut-être c'est plus facile de vendre cette chanson dans les clubs que la chanson originale, c'est sûr. Mais comme ce n'est pas du tout le genre de musique que moi je fais, Ben, je vais continuer à faire ma musique et il y aura toujours des DJ derrière qui voudront ou qui voudront pas la remixer. Mais c'est pas la même chose qu'avec Vivaldi et Rondo Veneziano en fait. Pas tant que ça, parce que c'est pas Vivaldi a pas été remixé pour devenir Rondo Veneziano, mais en l'occurrence la chanson reste la même, mais elle touche plus de monde. Oui, mais je parle pas du tout d'argent, je parle simplement de la popularité. Oui. Un artiste comme au théâtre, on a envie que le théâtre soit plein et qu'il y ait du monde qui vienne dans la salle. J'imagine que quand on fait un concert, on veut que ça soit plein aussi. Est-ce qu'on va demander à chacun si c'est pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Est-ce que chacun a bien compris le sens de tel ou tel texte? L'important, c'est qu'il y ait cette communion. Non, c'est sûr, mais est-ce que moi, je pourrais faire de la musique électro? C'est ça le truc. Est-ce que je peux aller en studio et réfléchir? Alors que sur cet album, je vais en studio tous les jours et je dis je veux ça, je veux pas ça, je voudrais ceci, cela. Et en musique électro, est-ce que moi j'ai envie de faire cette musique-là? Si les gens ils ont envie de venir écouter ma musique, non. Voilà. Mais du coup, si par exemple en concert, il y a des gens qui viennent vous voir pour cette chanson-là, est-ce que vous allez leur faire plaisir et utiliser la L'électro, la version électro. La version électro. Ben, je vais leur dire tout de suite que non, parce que la version électro, c'est l'œuvre des DJ, c'est pas la mienne. Maintenant, s'ils aiment la voix et s'ils aiment la mélodie, ils auront la même fille sur scène. Ouais, voilà. Ouais. Si c'est juste le boum boum de la chanson, non. Alors, en ce cas-là, ils vont pas s'y retrouver. Mais la preuve, on peut aimer votre voix, la mélodie, et taper des mains et danser, ce qui est le cas sur Clap Your Hands. Moi, j'arrête pas de l'appeler Clap Your Hands. C'est désolé. Pour ça qu'ils ont mis Silver Lining Clap Your Hands. Voilà. Ouais. Mais quand on voit le clip avec ses enfants, l'ambiance que vous avez mise, je sais pas où le clip a été tourné, mais c'était formidable. Ouais, c'est vraiment chouette parce qu'en plus c'était dans un petit ghetto et la plupart des gens qui sont dans le clip vivent dans cet endroit là en fait, donc c'est vraiment chouette. Nous sommes des acteurs engagés pour le clip. Elle reviendra tout à l'heure avec une version de Bohemian Rhapsody. On a hâte de découvrir ça par Imani. L'album s'appelle The Wrong Kind of War et tous les textes sont vraiment ancrés aussi dans notre société, dans la réalité. Il y a toujours du sens et un sens profond et émouvant. Merci Imani, à tout à l'heure. Bérénice Béjot et Stéphane de Groot sont nos invités. Ils seront au théâtre Édouard VII. Ça sera à partir du 13 septembre pour la nouvelle pièce mise en scène par Bernard Murat et écrite par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Tout ce que vous voulez. Et nous avons pris 3 années de vos carrières. On a essayé de trouver des points communs et ça sera juste après la bonne humeur et la drôle d'humeur de Frédéric Seguin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dites donc Nagui, j'ai écouté l'émission toute la semaine. C'est bien. Oui, la semaine dernière. Déjà, aussi. Mais j'ai écouté celle où j'étais pas. Ouais. Et c'est très plaisant. C'est gentil. C'est très plaisant. Non, mais c'est vrai, les invités ont le temps de parler, les chroniqueurs sont drôles, surtout une. Et bref, on apprend des trucs, c'est vachement bien. Bon, voilà. Super, je suis content. Et dire qu'il y a des gens qui disaient cette émission n'est pas digne du service public, en plus les chroniqueurs autour de la table ils ont tous un cuit de poule. Qui a dit ça? Moi, mais c'est pas le sujet. Sinon, cette semaine, mes enfants sont retournés à l'école et ça s'est très bien passé. Vraiment, super. Ça s'est bien passé. C'est l'avantage d'être un mauvais père, hein, c'est que tes gosses sont toujours heureux de retourner à l'école. Alors, il y a bien la fille de ma voisine qui a un peu pleuré. Elle était accrochée à la grille, elle hurlait, c'était gênant. Je suis allé la voir pour la réconforter. Je lui ai dit que quand même, pour une prof, ça se faisait pas. Alors, aujourd'hui, avant d'aborder un nouveau chapitre de mon manuel de survie dans l'isoloir, hein, car je rappelle, on est en année électorale, hein, je voudrais rendre hommage au winner des politiques de cette semaine, Robert Rochefort. Yes. Robert Rochefort, le vice-président du MoDem, aussi connu sous le nom de Bob le bricoleur dans le milieu, qui s'est fait arrêter. Alors là, on tient quand même un champion. Hein. Tout ça est vrai ? Oui, tout est vrai. Hein. En train de se masturber dans un castorama. Non. Vous le sentez moins seul, Nagui ? Le vice-président du MoDem qui se masturbe dans des castoramas. Alors la semaine dernière... À quel rayon ? On ne sait pas justement. Devant la queue du castor. Je pense. Alors la semaine dernière, la France entière ignorait qui était cet homme. Le mec a mal lu l'enseigne. Oui. Aujourd'hui, je peux le dire, personne n'a jamais été aussi transparent avec ses partis que Robert Rochefort. Alors le plus choquant dans cette histoire, c'est évidemment, il y a encore un président, vice-président au MoDem. Je veux dire, déjà qu'ils sont pas nombreux, si en plus ils se tripotent devant des clés de 12. Alors en même temps, je comprends, c'est vrai. Qui n'a jamais relancé sa libido en consultant un catalogue d'outillage? Moi. Ah, on peut aller chez Casto comme ça, fait « Bonjour monsieur le vendeur, je recherche une perceuse vicieuse. » Ah, une perceuse vicieuse? Oui, c'est ça, une grosse vicieuse. Alors il a expliqué qu'il avait besoin de se faire du bien quand il était stressé. Et on regrette immédiatement que cet homme ne soit pas candidat à la présidentielle. Les débats auraient une autre gueule. mal. Imaginez Rochefort face à Marine Le Pen avec Pujadas entre les deux. Elle lui pose une question gênante et hop, zoup, notre Robert qui décalote. Je suis stressé. Mais moi je regarde. Bon, à quelque chose malheur est bon, depuis la loi Macron, Robert peut même se toucher les dimanches. Mais je critique notre classe politique semaine après semaine, mais j'ai envie de poser la question, est-ce qu'ailleurs ça se passe mieux, hein? Et je vais vous tenter de répondre à cette question avec la deuxième leçon du manuel de survie dans les Eaux-Loire, la démocratie, est-ce que ça marche mieux à l'étranger? Prenons le Gabon, par exemple, hein, exemple tout à fait neutre. Bah, la semaine dernière a eu lieu une élection présidentielle. Alors attention, la présidentielle au Gabon, c'est pas une élection, c'est un examen. Le gouvernement a la bonne réponse et les électeurs vérifient ensuite s'ils ont eu juste. Et là, il semblerait que les Gabonais n'aient pas super bien révisé. Non, officiellement, Ali Bongo a gagné. Alors j'ai fait plein de guillemets. Une tendinite à faire des guillemets. Avec une participation dans certaines provinces à 99,93%. Les 0,07% qui manquent, c'est un morceau de bulletin qui n'a pas pu rentrer parce que l'urne était pleine. J'ai vu qu'il y avait une région à 104%. Mais c'est les gens qui sont morts, ils ont ressuscité. Je vote pour lui, et puis ils sont repartis. Bref, Ali Bongo, si vous voulez, c'est un peu le Jean-François Copé gabonais. Hein, et il est adepte du « on revote tant que je suis pas élu ». Faut dire qu'il est convaincu qu'un électeur, ça se lègue de père en fils. Son père, Omar Bongo, est resté au pouvoir près de 42 ans. Pour comprendre ce que ça représente, imaginez, la télé, c'est le Gabon, et Omar Bongo, c'est Michel Drucker. Bon, alors jusqu'à maintenant, la famille Bongo n'avait pas de problème, hein, parce qu'elle avait aussi l'amitié de la France. Alors si vous aussi, vous voulez devenir ami avec la France, c'est très simple. Il suffit d'envoyer pétrole au 3925, appel surtaxé, 3,5 millions d'euros la minute, reversé directement sur les partis politiques. Et profitez de notre offre exceptionnelle, une légion d'honneur pour les 500 premiers envois. Là où Ali Bongo a beaucoup déçu, c'est quand il a exigé un redressement fiscal de l'entreprise Total qui jusque-là n'avait jamais payé d'impôts au Gabon. Ah, et ça c'est dégueulasse. Est-ce que nous, on demande à des grosses boîtes étrangères de payer des impôts en France? Mais bien sûr que non, parce qu'on est polis. Google, Apple, Uber, Amazon, on leur dit, mais on n'est pas sévère. Du coup, maintenant, on soutient Jean Ping, l'opposant d'Ali Bongo. Jean Ping, c'est le Gabonais avec une tête de Chinois. Et son père est chinois et sa mère gabonaise. C'est rigolo comme nom, Jean Ping. C'est comme si un Chinois s'appelait Chang Koulibaly. Alors attention, Jean Ping, c'est pas le Che non vous plus. Vous moquez, hein, des noms de famille maintenant. Bah oui, non, mais Jean Ping. Bah alors, il s'appelle comme il veut. Non, t'appelles comme il peut. Oui, comme il peut, surtout. Alors attention, Jean Ping, c'est pas le Che non plus. Hein. L'opposant vertueux a quand même 73 ans et il a été ministre d'Omar Bongo pendant 18 ans. Il a même épousé sa fille, la sœur d'Ali Bongo, avec qui il a eu 2 enfants. C'est pas une élection, c'est une embrouille entre beaufs. La famille la plus gabonaise qu'on a en France, c'est les Le Pen. Alors, il y a quelques mois, en parlant des étrangers, Jean Ping a appelé ses auditeurs à réveiller les morts, une fois de plus, hein, pour l'accompagner en guerre et éliminer les cafards du pays. C'est un homme charmant aussi, Jean Ping. Hein. Depuis cette élection, bah, c'est comme toujours la population qui trinque, répression, assassinat, interpellation. Et j'ai envie de dire au Gabon, bah, malheureusement, le changement, c'est pas pour maintenant. Merci. La bande originale, Nagui. France Inter. Bérénice Bejo et Stéphane De Groot, donc voici votre bande originale. On va commencer en 2000. En 2000, Bérénice, écoutez. C'est bon, ça. Yeah. C'est, et, là, vous tourniez en 2000. Oh. Pourquoi tu comprends des trucs comme ça? Vous tournez en 2000 une jeune apprentie comédienne dans Meilleur Espoir féminin de Gérard Jugnot. On a déjà beaucoup dit de choses. Moi, je veux savoir quelle est l'importance de la musique quand on travaille, quand on est au cinéma, quand on sait qu'il y a des heures d'attente, de longue attente. On a son casque, on écoute de la musique, on est dans sa loge. Non, pas du tout. Non, moi, je lis. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la musique a une importance... Enfin, comment dire, je c'est pas si important, alors que c'est Queen, tout le temps là. Alors Queen, par exemple. Non, mais en fait, tu vas me faire écouter quelque chose, je vais découvrir quelque chose, mais je sais pas, je m'en suis jamais vraiment appropriée. J'ai jamais été une adolescente à écouter des heures. À connaître par cœur une chanson, à la chanter dans le miroir et tout ça, non. Je suis hyper infidèle, je suis hyper ouverte. Enfin, je suis complètement. On parle musique, hein, bien entendu. Parce que ce son va être récupéré, Bérénice. Oui. Il va être coupé, monté. Je suis monté. Très ouverte au monde. non, mais c'est vrai que j'ai un rapport très. Je sais pas. M'excuse maintenant. J'apprenais pas les paroles, j'ai pas eu d'obsession. Vous n'êtes pas fan d'un artiste. Je connais pas les noms d'albums, je connais pas le titre des chansons d'ailleurs. Ce problème de mémoire, c'est pas gênant pour une comédienne. non, c'est pas un problème de mémoire, c'est que c'est. Elle place sa mémoire où elle le veut. Où elle c'est... veut oui, ah. Voilà, c'est-à-dire que j'allume la radio, je vais mettre un disque, mais ça c'est pas. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les livres. Donc je lis beaucoup, j'ai des gros bouquins, je lis tout le temps. Mais ceux-là, tu les apprends par cœur, les livres. Non, mais tu rigoles, mais je lis vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va en reparler ensemble tout à l'heure. Mais du coup, choisir des musiques, ça a été vraiment. Un casse-tête, oui. Bah oui, tu me mets celle-là, mais je me rappelle pas comment elle s'appelle, quoi. Bah là, on l'a retrouvée, en tout cas, et grâce à vous. Stéphane de Groot, lui, en 2000, écoute Foster the People. Ça. Notamment, enfin, j'écoutais pas que ça toute l'année 2000. Hein, il fallait bien en trouver un. Ouais. À ce moment-là, vous aviez une chronique dans l'émission lesallumés.be, c'était sur RTBF. Ah oui, ça c'était il y a 1000 ans ça. Ouais. Non, 2000. Non, 16. Oui, c'est ça, donc c'était le deuxième millénaire. C'est ça. Pour vous, c'était un passage obligé pour commencer à faire autre chose. Quel était votre but finalement? Vous caressiez l'envie d'être d'abord comédien, d'être chroniqueur, d'être auteur, de faire des livres? Il y a quelques jours, nous étions sur une autre radio et je disais que j'avais envie de devenir comédien, pilote de course. Et avant de devenir, j'étais déjà avant de devenir. Donc j'avais la tête pleine de rêves. Et donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que quand vous dites à vos copains que vous voulez être pilote de course et comédien, à 15 ans, c'est un peu difficile. Donc, Trintignant, Steve McQueen. Oui, mais quand vous avez 15 ans, vous n'êtes pas tout à fait dessiné pour devenir Steve McQueen ou Paul Newman ou Trintignant. Donc, et pour revenir à cette chronique, c'est vrai que... J'espérais qu'un jour ça puisse se réaliser, ce rêve. Je me dis, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que je suis mytho? Est-ce que je suis fou? Voilà, donc c'est ça... Tout ça à la fois, ça fait comédien peut-être, non? Tout ça à la fois, c'est exactement ça. Rêveur, c'est-à-dire que fou, je voulais avant tout, je voulais faire semblant d'être pilote de course. Ça m'amusait au départ, ça m'amusait plus d'être en combinaison avec le casque que d'être véritablement pilote de course. C'est vrai que les producteurs à l'époque de cette séquence coupaient vos papiers parce qu'ils ne comprenaient pas les vannes. Absolument. Oui. Tristesse. C'était épouvantable parce qu'ils essayaient de remonter la séquence pour qu'elle soit la plus normale, entre guillemets, possible. Oh, mon Dieu. Alors que j'étais déjà dans mon univers un peu absurde et je retrouvais des séquences tout à fait... Qui avaient perdu toute leur singularité, si vous voulez, donc qui n'avaient plus aucun intérêt. En 2006, Bérénice Bejo, écoutez... On s'est aimé comme on se quitte. Ah ouais. J'adore moi aussi. Bah oui. Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Ouais, vous avez les paroles. Joe Dassin, on s'est aimé comme on se quitte. Non, mais là, l'écoutez en 2006. En 2006, on est sur le tournage de OSS 117. Et là, vous rencontrez l'amour. Est-ce que quand vous me dites qu'en même temps, vous écoutez On s'est aimé comme on se quitte, un petit coup de polish. En fait, on est en 2006, on est à la sortie du film. D'accord. Et l'amour, c'est avant. Non, c'est pas ça, c'est. Et on chantait ça sur le tournage de OSS, effectivement. Michel passait la chanson, Jean connaît toutes les paroles. Alors lui, vraiment, il est hyper fort, il chante bien, il connaît tout, enfin bref. Et c'est devenu la chanson... Il est super énervant. Et c'est devenu la chanson du tournage et voilà, donc j'ai une tendresse pour ce morceau. En 2006, vous créez, mon cher Stéphane, Fil dans ta chambre et en même temps, vous écoutez... Ah ouais. Forcément, j'ai envie de dire. Bah oui. Pourquoi il n'est pas mis là? C'est encore un adverbe. Ah ouais, joli, ouais. Belle référence. Ouais, mais nous on les lit les pièces. On lit les textes. Mais ça aussi, ça a disparu de la pièce. Non, on l'a bien gardé. Ça, c'est bien resté ça. À ce propos, je voulais saluer ma femme Odile d'Outremont, qui est scénariste. Mais oui, parce que c'est avec elle qu'on a créé cette série dans ta chambre. C'est avec elle dont je voulais parler. Que je salue d'ailleurs. Voilà. Parce que vous avez plus de contact avec elle, vous avez besoin de la rencontrer. Non, mais elle est en Belgique, elle est à Bruxelles, là, donc je sais qu'elle nous écoute, alors je la salue, comme effectivement je suis sur les elle planches, est sympa, je la vois pas elle beaucoup. Elle le laisse venir à Paris. Tous les deux, vous travaillez avec votre chère et tendre, c'est particulier comme travail ou c'est au contraire plus facile? C'est excitant quand même. Ouais. C'est chouette d'être avec celle que vous aimez ou celui que vous aimez à travailler. Quand ça se passe bien, c'est quand même assez formidable. Il y a une complicité merveilleuse qui se crée. Et puis on se connaît très bien, donc on rebondit, on est. Non, et puis là, par exemple, vous voyez, je joue au théâtre ici, je vais tourner un film bientôt. On est loin l'un de l'autre, donc quand on a l'occasion de se retrouver pour travailler, c'est précieux. En 2012, là, elle a bien bossé avec l'homme qu'elle aime, Bérénice, puisque en plus, la récompense est au rendez-vous. Musique musique de The Artist, signée Ludo Bourse. Ça, c'est Ludovic Bourse. Ludovic, pardon. Dans le Ludo. Texto, j'ai mis Ludo, oui, c'est mon pote. C'est plus simple. Ouais. C'est pas le mien en même temps, donc Lulu. Moi, j'ai l'appelé Monsieur Bourse, d'ailleurs, directement. Lulu aussi. Ouais. Ça, c'est lorsque vous, Pépi arrive pour son au studio, pour son premier pour son casting. Oui. Alors, dites-nous, vous travaillez avec Michel Hazanavicius, l'homme de votre vie, le papa de vos enfants. Est-ce que vous vous dites, vous êtes sa muse, vous allez forcément vous retrouver sur tous ces projets? Non, je ne me considère pas comme sa muse, mais on travaille très très bien ensemble, on s'amuse ensemble. Et construire notre vie aussi autour du travail, c'est un vrai bonheur. Là, je suis encore en tournage avec lui, sur Le Redoutable. Et comme dit Stéphane, vu que ça se passe bien, que ça n'embête personne, que les gens autour de nous sur le plateau ont l'air contents, qu'on ne se roule pas des pelles toutes les 5 minutes et qu'on ne s'engueule pas non plus toutes les 5 minutes, pourquoi se priver, quoi? Puis, c'est des rôles magnifiques qu'il m'offre. Je vais pas... Enfin, ça aurait été bête de pas les faire. J'ai des actrices qui me disent « t'as de la chance d'avoir un homme qui écrit des rôles pour toi, sur mesure ». Bah oui, j'ai de la chance, donc j'en profite. C'est bien, et on est ravis, nous, de partager ce bonheur-là aussi, parce que ça transpire sur nous aussi, votre bonheur fait du bien à voir. Stéphane, lui, à partir de janvier 2012, est dans cette chronique matinale sur Canal, Retour vers le futur, et il écoute. Bah tiens, encore histoire d'un remix fait par des DJ, où Azaf Avila n'était pas totalement d'accord avec le remix de ces DJ. Parce qu'il faut rappeler encore une fois que cette chanson est faite par des DJ d'une manière extrêmement dansante, alors que les paroles d'Azaf Avidan sont extrêmement tristes et remplies de désespoir. Pour resituer, c'était un moment dans sa vie où il avait appris qu'il était atteint d'un cancer et où il avait écrit cette chanson pour l'être aimé en disant bah, peut-être qu'un jour on pourra plus dire ce fameux je t'aime parce que je ne serai plus là. Et c'est vrai que d'entendre des gens taper des mains et danser sur des paroles qui sont tristes et profondes, c'est toujours paradoxal. Oui, il faut comprendre les paroles, parce que moi je m'étais jamais posé la question en fait de ce qu'il racontait. Non mais quand il le raconte, t'as la chair de poule. Et la version acoustique d'Azaf Avidan de cette chanson est absolument formidable aussi. Première chronique, vous vous souvenez sur qui était votre première chronique à Canal? Sur Bachar el-Assad. Exactement. En fait, c'est comme ça que m'est venu. Vous avez raconté que vous étiez allé le voir. Oui, c'est-à-dire que je cherchais une idée de chronique puisque j'ai débarqué à la matinale de Canal et je me dis, mais au fond, on parle de Bachar, c'est le conflit syrien démarré. Et je me suis dit, tiens, ça peut être amusant d'imaginer une rencontre avec lui et de savoir qui est ce bonhomme. Et donc j'ai pris le contre-pied en expliquant qu'en fait, il était vachement sympa. Et que certes, il y avait des bruits de pétards qu'on entendait pendant l'interview dans son bureau, mais que c'était pas grave. Et ça a démarré comme ça, avec un bête jeu de mots, puisqu'on a joué tous les deux dans son bureau à « Je te tiens, tu me tiens » et « Siri, il aime ta pète ». C'est amusant. Et vous êtes resté en contact? Il est assez débordé. Pour enfin, on nous dit, ça va pas de partir en vacances. Stéphane De Groot avec Bérénice Béjot sont à l'affiche de tout ce que vous voulez, cette pièce qui raconte comment un auteur justement qui a perdu l'inspiration va finir par retrouver grâce à un problème de fuite d'eau et de voisinage et d'une rencontre qui va bouleverser sa vie. Justement, Daniel Morin, d'entendre Imani à nouveau en live dans cette émission, vous allez nous dire comment faire quand on est auteur pour retrouver l'inspiration. Ah, bravo Nagui, évidemment, la pertinence de votre question est incontestable, mais vous êtes d'une clairvoyance lumineuse et chatoyante à la fois, si je peux me permettre. Il n'en est pas moins vrai que, malheureusement, ce n'est pas la bonne question à poser, monsieur Guy. Non, désolé, la vraie question, la question qui passionne, c'est comment faire quand on a trop d'inspiration, c'est ça qui est intéressant. À cette question, je peux répondre avec aisance, puisque d'inspiration, je suis pétri, vous le savez. Alors, vous le savez, monsieur Guy, je suis d'un naturel modeste, d'une humilité bouleversante et je déteste parler de moi et de mes énormes qualités. Mais doit-on pour autant se passer d'anecdotes passionnantes me concernant, mon talent et moi? Non. Ce serait fort sot de se priver d'un tel nectar. Alors oui, comment faire pour gérer, quand on est comme moi, l'inspiration incarnée? L'inspiration agit comme une source qui en permanence m'inonde. Un rien m'inspire, je fais feu de tout bois, même du plus vert. J'observe le comportement par exemple de monsieur Guy. Et là, bim, me vient d'un seul coup une histoire qui a pour héros un mafieux oriental et cruel, dont le parcours amoureux et barbare laisse en chemin désolation, larmes et parfois cadavre. Ouais, oui, quand je vois un vieux qui se fait écraser par un bus, bam, me vient d'emblée l'histoire aussi terrible que sociale de 50 passagers qui vont rater leur rendez-vous, dont 10 qui vont perdre leur emploi. Tout ça par la faute d'un senior qui, en pleine période de crise économique, s'en fout pas mal du sort souvent fragile de la population active aux emplois précaires en continuant à traverser en dehors des clous. Et quand, comme ce matin, je vois un chien qui pisse sur un mur du palais de justice, d'abord je pouffe et ensuite je pense à Jérôme Cahuzac. En revanche, je peux vous garantir que quand je rentre dans un magasin de bricolage, mon imagination est beaucoup moins riche que celle d'un cadre du modem. Quant à votre question, monsieur Guy, comment faire quand on n'a plus d'inspiration? Je n'en sais rien. Merci, Gabriel Morin. Elle sera la bande originale. Nagui. Imani sera à l'Olympia le 14 novembre et elle est en tournée en toute la France à partir du 1er octobre. Saint-Germain-en-Laye, Rouen, 14 novembre, donc je l'ai dit, il y aura l'Olympia, puis ensuite Martigues, Perpignan, une tournée jusqu'à la fin de l'année, voire début de l'année 2007. Mais là, elle est en live chez nous, pour vous, dans la bande originale. Elle nous offre Bohemian Rhapsody. Imani, voilà. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor girl, I need no sympathy. Doesn't really matter to me. Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I'm gone and threw it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and fade Nothing really matters to me. Super version avec Stéphane Castry, Jeff Ludovicius, Stéphane Goldman, Taufik Farah, Lauriane Lair et Rodolphe Liskovitch et Julien Grattard au violoncelle, parce que les deux cellos, ils ont bien assuré comme il faut en tout cas. Ah, bravo, merci, et merci. Vous êtes une queen. Joli. Et Imani de ça existait déjà, je la connais, c'est la chanson. Imani de revenir tout à l'heure dans la dernière partie. On est très en retard, pardon, pour les infos qui reviennent juste après ça. Lundi au vendredi soir sur France Inter. L'heure bleue. À partir de 20h. L'espace des possibles. Laure Adler. Ils sont écrivains, philosophes, architectes, cinéastes, historiens, metteurs en scène. Et chaque soir, ils viendront nous parler de leur passion. L'heure bleue. Ce soir sur France Inter. À partir de 20h. Moi, c'est Juliette. Et ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Souvent, malgré moi, je suis une grande gaffeuse. Enfin, j'essaie de ne pas me prendre au sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ça fait plus de 20 ans que 100 000 femmes participent comme moi à une étude INSERM MGEN et aident la recherche, notamment sur le cancer du sien. du sein, pardon. Bah voilà, quand je vous disais que j'étais gaffeuse. Juliette a choisi MGEN. Et vous? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Il est midi une, bah oui, c'est vrai, ça passe vite. Les informations, pardon pour ce retard, est-ce à gagner? Je ne sais pas. Bon, ok, on j'ai compris. On en parlera tout à l'heure. D'accord. On y va. L'autoroute A16 bloquée, l'opération coup de poing des acteurs économiques du Calaisis se poursuit à la mi-journée. Une importante file de camions et de tracteurs est partie ce matin des environs de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer pour rejoindre donc la ville de Calais. Tous réclament le démantèlement de la jungle où plusieurs milliers de migrants sont regroupés. Géraldine Allot, vous êtes sur l'autoroute A16. L'idée était d'être visible et visiblement, eh bien, ils sont visibles tous ces gens. Oui, les deux cortèges de routiers, d'agriculteurs d'une part et d'habitants et de commerçants d'autre part se sont rejoints sur l'autoroute A16 à hauteur de Calais il y a une vingtaine de minutes, ce qui a pour effet de bloquer la circulation et de reporter le trafic automobile sur le réseau départemental. Ces milliers de manifestants, eh bien, ils réclament, comme vous l'avez dit, le démantèlement de la jungle qui a selon eux un impact économique désastreux sur le Calaisis. Les restaurateurs estiment que leur chiffre d'affaires est en berne à cause de la jungle, parce que la ville de Calais a mauvaise réputation. Les routiers se font agresser souvent par des migrants qui veulent rentrer à tout prix dans leur camion pour passer en Angleterre. Les agriculteurs nous racontent que leurs cultures sont souvent endommagées par les migrants qui passent à travers leurs champs pour rejoindre l'autoroute A16 pour arrêter ensuite les camions. Donc aujourd'hui, c'est une convergence inédite. Jamais auparavant, autant de corporations n'avaient manifesté ensemble à Calais pour demander le démantèlement de la jungle. Beaucoup, c'est important de le dire, vous disent: on n'est pas contre les migrants, on sait que leur vie est difficile, mais là, nous, d'un point de vue de notre vie professionnelle, on est à bout. Merci Géraldine. Allô en direct de Calais, non loin de là, en Allemagne. Angela Merkel, elle paye aujourd'hui sa gestion du dossier des migrants. La chancelière allemande paye en fait sa politique d'ouverture aux réfugiés. Son parti a subi un sérieux revers hier lors d'élections régionales dans son fief de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. C'est dans l'ex-RDA. Les populistes de l'Alternative pour l'Allemagne ont obtenu plus de 20%. C'est moins que les sociodémocrates, mais c'est juste devant donc la CDU d'Angela Merkel. On en reparle tout à l'heure dans le journal Le Trésor de Bruno Duvic avec une invitée, Michaela Figel du Frankfurter Allgemeine Zeitung. J'y arrive. Au menu également du journal de 13h tout à l'heure, l'affaire Big Malion, le parquet requis le renvoi du dossier devant le tribunal correctionnel. C'est au juge d'instruction maintenant de trancher. L'affaire Big Malion repose sur un système de fausses factures. Nicolas Sarkozy est poursuivi entre autres pour avoir dépassé les plafonds de dépenses pendant la campagne électorale de 2012. C'était il y a 4 ans, les yeux dans les yeux, Jérôme Cahuzac affirmait ne pas avoir de compte en Suisse. L'ancien ministre du budget comparé en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour notamment blanchiment de fraude fiscale. À ses côtés, son ex-épouse et leur conseiller, banquier et avocat. Il risque 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Le procès doit durer jusqu'au 15 septembre prochain. Le rappel à l'ordre de Manuel Valls aujourd'hui. Le chef du gouvernement a appelé ce matin à, je cite, la maîtrise de l'expression dans son gouvernement. Cela fait suite aux prises de position de Ségolène Royal vendredi, mais aussi encore ce matin au sujet des rejets de boue rouge au large des calanques de Cassis dans les Bouches-du-Rhône. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, par exemple, ce matin, Ségolène Royal dit qu'elle ne lâchera pas. C'est mon rôle de ministre de l'Environnement. Manuel Valls rétorque que l'usine Alteo de Garda ne rejette plus de boue rouge, mais des eaux largement dépolluées. C'est pourquoi il a accordé à Alteo le droit de les déverser pour 6 ans encore dans les calanques. De nouvelles analyses sont attendues pour la fin du mois. C'est une information de nos confrères de France Bleu à Rouen. L'incendie du café Le Cuba Libre début août où 14 personnes sont mortes. L'issue de secours était fermée à clé. C'est en partie pour cela que l'incendie a fait autant de victimes. Maître Gérard Chemla est l'avocat de certaines familles des 14 victimes. Il y en avait une, elle était tout à fait accessible si elle n'avait pas été fermée à clé. On est dans le contexte de quelque chose qu'on a déjà connu et qui est malheureusement banal, qui est quelque chose de finalement pas si mal fait que ça, même si on peut penser que l'escalier d'accès était insuffisamment large et accessible. Mais il y avait une issue de secours, il y avait un extincteur. Malheureusement, l'issue de secours était fermée à clé pour éviter les resquilleurs, si j'ai bien compris. Autrement dit, les gens qui pouvaient partir sans payer leur consommation. Donc pas d'issue de secours et au contraire un piège mortel, parce que les gens qui savaient qu'il y avait une issue de secours allaient se diriger naturellement vers elle, étant précisé que l'accès à la pièce, l'escalier, lui, était embrasé et donc extrêmement difficile à franchir. Maître Gérard Chemla, l'avocat de famille de victimes du café Le Cuba Libre, où il y a eu 14 personnes mortes dans un incendie début août. Vous écoutez France Inter, il est 12h06. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Tous les jours, retour sur l'un des grands événements qui ont marqué ces 50 dernières années. Le corps d'un homme barbu, les cheveux longs, gîte en ce moment sur un brancard dans une ancienne étable à Valle Grande. Il s'agit du corps du commandant Ramon, nom de guerre supposé d'Ernesto Che Guevara. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 9 octobre 1967, à La Higuera, en Bolivie, la mort du Che. Affaires sensibles. Quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est sur France Inter, tous les jours, du lundi au vendredi de 15h à 16h. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Agir, la 3e édition du Monde Festival. Culture, science, environnement, nouvelles technologies, politique. Écoutez et réagissez au débat. Participez aux ateliers et profitez de spectacles inédits. Rendez-vous à l'Opéra Bastille, au Palais Garnier et au Théâtre des Bouffes du Nord du 16 au 19 septembre. Retrouvez le Monde Festival dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Le Monde Festival, un événement présenté par Le Monde en partenariat avec France Inter. Élève Nagui. Bon, pardon. Je ne vous y reprenne pas. J'ai pas maîtrisé les solos, les solis, pardon. C'est en même temps, il faut sévir, Laetitia. Ah oui, viens me frapper. Il faut trouver autre chose. Ouais, je pense aussi. Oui. Les infos de revenir toute l'après-midi. On est chez Casto. Mais non. Mais en même temps, les pauvres. Il y a des menottes, la marque, tout ça, voilà. La marque est en train de subir un vrai préjudice. Tu parles d'une pub d'enfer. Mais non, il est pour rien, tu rigoles. quoi. Ça m'étonnerait. Bah, je vous laisse entre vous. Oui, excusez-nous, merci. Personne ne va aller au rayon des vices. C'est ça, à 13h, le retour de l'information avec le journal du même nom. Voilà, à tout à l'heure. Et Stéphane, comme ça, a glissé, je ne suis pas sûr qu'on ait bien entendu, donc je suis désolé de répéter, ou à moins que vous puissiez le faire, concernant le rayon... Davis, oui. Voilà. Rayon Davis. Ouais, ouais. Très bien. Tout le monde avait compris. D'accord. Mais non, mais je suis pas sûr qu'on l'ait bien entendu. Non, je ne l'avais pas entendu, voilà. Personnellement. Voilà. Comprise, oui, voilà. Mais il faut l'entendre pour la comprendre. Si vous ne faites pas attention à vos invités, ce n'est pas de ma faute. L'ambiance du lundi. Ça fait qu'une semaine. Hein. C'est lundi. Et ça fait qu'une semaine. La semaine va être longue, je vous le dis. Je rappelle, il y a une porte de sortie en janvier. Faites très attention, tous. Donc, parlons de cette menace. C'est lui qui. Ouais, c'est dégueulasse. On a tous pris. Mais enfin. Non, mais là, c'est lui qui est la porte de sortie. Oui, d'accord. C'est pas nous. Je vous retiendrai, Nagui. À partir du 13, c'est-à-dire mardi en 8, au théâtre Édouard VII, tout ce que vous voulez, la nouvelle pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière, mise en scène par Bernard Murat, avec Bérénice Bejo et Stéphane De Groot, et la participation originale d'Éric Elmosino, on peut le dire. Après, et de Judith Elzen. Pardon. Et de Sébastien Castro. Pardon. Daniel Auteuil. Non. Oui, enfin, oui, mais. Et une très belle affiche. Une très belle affiche. Vous êtes très embottés tous les deux. Je vous remercie. Merci. Ok, ça c'est très radiophonique. Là, sur l'affiche, je ne sais plus quoi dire. Revenons, tout le monde va la voir. Absolument. Et revenons à cette histoire donc d'une auteure incarnée par Bérénice. Oui, pas de Keustorama. Bérénice Bejo incarne donc une auteure en manque d'inspiration, qui a eu énormément de succès. Chaque fois, elle s'est appuyée sur des choses qui lui arrivaient, mais quand il y avait une situation finalement de mal-être ou de pas bien dans ses pompes, là, tout va tellement bien dans sa vie qu'elle n'a plus l'inspiration. Tout commence par une fuite de... C'est la salle de bain, c'est ça, c'est le bain qui déborde. C'est ça. C'est la main qui... c'est le bain, pardon, qui déborde, et Stéphane De Groot est le voisin du dessous, il remonte en disant il y a une fuite, et là il rentre dans votre vie. C'est aussi un jeu de perturbation de votre voisin, mais aussi un jeu de séduction entre les deux. Chacun essaye de... Bah, y a des... de charmer c'est un peu c'est-à-dire l'autre. Que c'est, ils sont vraiment pas du même milieu. Lui, il est fiscaliste, elle est auteur. Mais finalement, il joue... Il chiffre les lettres, quoi, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais il est assez doué en fait. Moi, j'ai que des titres d'émissions comme référence. Hein, donc, ouais, mais là, t'es mal barré avec moi. J'ai pas la télé. T'as pas la télé, je sais. Vous voulez qu'on se cotise Non, enfin, j'ai un grand écran. Ah, mais éteint. Mais ouais. Que pour voir des films. J'ai pas de rideau, donc je peux pas l'utiliser en plein jour. Bref, enfin, ceci, les chiffres réels, c'est à quelle heure? C'est à 17h, c'est en plein jour. Ouais, en plein jour. Et en fait, il se retrouve dans le dialogue, dans les mots, dans les langages. Il est assez doué, il est assez drôle, il est fin. Ouais, ouais. Non, je parle de Thomas, le personnage. Ah ouais, ouais, ouais. Alors c'est un autre oui, alors. Ouais, ouais. Et c'est là-dessus où il se retrouve. C'est-à-dire qu'elle elle a finalement quelqu'un qui lui répond, qui la met en... Qui l'écoute beaucoup, qui surtout. Qui l'écoute aussi, et qui l'a... Je ne dis rien dans la pièce. Je n'écoute que Lucie pendant une heure et demie. Tu m'as tout coupé, Stéphane. Est-ce qu'il est capable de vous faire rire, justement, et de vous déstabiliser, c'est-à-dire avec son côté pince sans rire, avec le jeu, entre guillemets, à la De Groot, on voit bien le personnage, est-ce que ça peut vous déstabiliser? Il est hyper concentré, hein. Ouais. Il est très concentré, il est extrêmement... il est très bon élève, il est pas du tout en train de faire le clown pendant les répétitions. Hier, on a fait un filage, il m'a fait beaucoup rire, donc on a intégré ça dans le jeu. Mais sinon, c'est vraiment un bon partenaire. À 8 jours de la pièce, qui est extrêmement structurée, comme souvent le sont les comédies, c'est-à-dire que c'est au mot près, la chute, l'effet, la respiration, le déplacement, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Retenir le texte, engranger tous les changements que vous avez pu faire depuis les répétitions, mélanger ça avec le déplacement, c'est-à-dire le côté se mouvoir dans l'espace, jouer des regards. Ce qui est compliqué, à un moment donné, quand on commence à maîtriser la pièce, le texte, l'histoire, les trouvailles qu'on peut avoir pendant les répétitions, des choses peut-être amusantes, drôles, mais comme on a le même public, en l'occurrence le metteur en scène et 3-4 personnes dans la salle, et qui ne rient plus forcément aux mêmes endroits, on a tendance à gommer et à changer, alors qu'à la base ça fonctionnait. D'accord. Donc le piège, c'est de d'enlever ce qu'on a fixé qui fonctionne, même si on n'a pas de retour, puisque c'est le même public. Donc on attend maintenant, enfin moi en tout cas personnellement, j'attends, je suis impatient d'accueillir le public. Les deux précédentes pièces de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière concernaient donc le choix du prénom dans un couple, concernaient aussi la manière dont on peut couper les ponts avec un ami en organisant une fête pour lui dire maintenant tu te casses. C'était des choses que tout le monde pouvait s'approprier. Là, le problème de la créativité d'un auteur ça va au-delà. C'est la rencontre. Qu'est-ce que les gens vont trouver là-dedans? C'est la rencontre de deux personnes qui ne sont pas censées se rencontrer. Enfin, c'est l'histoire basique. Enfin, qu'on connaît tous. On est tous dans nos milieux et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive dans notre vie qui ne devrait pas faire partie de votre milieu. Et en même temps, elle vous apporte tellement de choses différentes, de la nouveauté, je sais pas, une certaine poésie que tout d'un coup, c'est cette personne-là qui va encore plus vous intéresser. Et je trouve que ce que raconte la pièce, c'est ça, c'est que finalement, restons quand même assez ouverts, restons curieux à l'étranger, à la personne que nous ne connaissons pas, peut-être la personne qui est totalement différente à nous, parce que c'est peut-être celle-là qui va vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Que de belles valeurs par les temps qui courent, tout ce qu'il y a de dire. Et puis il y a l'histoire, et puis il y a les profils psychologiques, c'est-à-dire que Lucie, incarnée par Bérénice, est un personnage, même si elle est auteur, tout le monde peut se retrouver dans les tourments que Lucie développe pendant cette pièce. De même que mon personnage, Thomas, tout le monde peut se retrouver dans ce voisin, dans ce personnage plutôt sympathique, qui est à l'écoute de quelqu'un qui a des problèmes. Donc, c'est vraiment psychologiquement parlant au niveau des personnages, ça parle à tout le monde. Voici quelqu'un qui va malheureusement pour vous parler à tout le monde, Daniel Morin. Et avec plaisir. Et pourtant, je suis d'humeur dépitée, mon bon monsieur Guy. D'abord, je suis atterré par l'attitude de certains, comme celui dont a parlé Frédéric Sigrist, Robert Rochefort, Robert, le gars du Modem, un gars qui est toujours en liberté et qui, en cas de stress, va se palucher chez Casto entre une scie à métaux et la décolleuse à papier peint. On va où, là? On va où? Il est où, le bonheur? Il est où? Apparemment, il est chez Casto. Fermons la parenthèse. Ensuite, je suis consterné par l'état de notre gauche dure. Notre gauche révolutionno-humano-prolétarienne dont le leader Jean-Luc Mélenchon s'épanche dans Gala, le magazine. En gros, le message du patron du Front de Gauche est le suivant, pour bien réussir une campagne présidentielle. Il ne faut négliger aucun détail, il faut de l'endurance, c'est un travail de fond qui demande que les candidats aient du tonus pour aller jusqu'au bout du défi. Et pour avoir du tonus, il faut manger sain et équilibré, c'est ce que nous explique Jean-Luc Mélenchon dans le dernier gala. Oui, dans ce torchon papier glacé, le candidat révolutionnaire donne son secret, la graine de quinoa. Oui, absolument. C'est dans Gala. C'est bon, remarque. Hein. Sérieusement. Protéines végétales. La graine de quinoa. Allô, quoi, Nagui? Allô, t'es révolutionnaire, tu bouffes des graines. Normalement, un révolutionnaire, ça bouffe de la viande crue. Ça bouffe de la chair humaine, si nécessaire. Vous trouvez qu'il a une tête de révolutionnaire, Aymeric Caron? Non. Tu crois que c'est vendeur pour la révolution, le quinoa, Jean-Luc? Tu vas nous faire une campagne présidentielle au quinoa? Camarades, pour en finir avec ce système qui nous étouffe, ces politiciens qui nous étranglent, une seule solution, la révolution. Votez pour moi, le candidat 100% quinoa. Oui, le quinoa, c'est la solution anticapitaliste. Grâce au quinoa, je suis gonflé à bloc. La révolution, c'est mon combat, mon arme, la graine de quinoa. C'est pas hyper, hyper révolutionnaire. Non, mais les grands révolutionnaires, les vrais, eux, doivent se retourner dans leur tombe. Jamais ils n'auraient fait un truc pareil. Enfin, ça aurait été étonnant. Tovarich, Trotsky speaking. L'ennemi de la révolution, c'est le capitalisme et son symbole, c'est la vache. Pour que l'Union soviétique reste un exemple révolutionnaire anticapitaliste sans manquer de calcium, nous devons tous boire du lait de soja. Grâce au lait de soja, la révolution vivra. On sent pas la passion, là. Il manque un truc, hein. On sent pas l'engagement. Hein. Que diraient les autres grands révolutionnaires? Hola amigos de la révolution. Ici el comandante Che Guevara. Et pour gagner la guerre du peuple contre les impérialistes, il faut prendre les armes, claro. Mais ça suffit pas. Il faut aussi manger le fruit de la révolution. El tofu. Oui, el tofu, c'est la nourriture de la victoire. Viva la révolution, viva el tofu. On n'imagine pas le Che vanter les mérites du tofu. Non mais on va où là? On va où? Ah, guten Tag, ich bin Karl Marx. Vous croyez que le plus grand ennemi du communisme, c'est la finance? Nein. Vous croyez que c'est les MEDEF? Nein. Vous croyez que c'est Nagui? Nein. Le plus grand ennemi du communisme, c'est le gluten. Pour un communisme pur, pour un communisme plus fort, il faut arrêter le gluten. Auf Wiedersehen, gluten. Bon, les amis, vive la biorévolution. À demain. D'ailleurs, ne dit-on pas gluten time. C'était bon ça. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadrovodani, spécialement pour Bérénice Béjot, pardon, et Stéphane de Groot. Bérénice Béjot, Stéphane de Groot, je vous sors de la promo un petit bol d'air, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence avec vous, Bérénice. C'est un extrait d'une nouvelle que je vous donne à entendre. Saurez-vous la reconnaître? Here died my mother. Herein was I born. But it is mere idleness to say that I had not lived before, that the soul has no previous existence. C'est une nouvelle terrifiante d'Edgar Allan Poe. Oui. Vous connaissez son titre? Oui, oui. C'est pas Bérénice? C'est Bérénice. C'est Bérénice, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai très mal dormi. C'est pour ça que je m'appelle Bérénice. Alors voilà, j'ai lu que votre papa vous avait appelé Bérénice en raison de cette nouvelle. Oui, enfin en raison, il adore cet auteur et trouvait ce prénom magnifique. Ma mère aime la chevelure de Bérénice, c'est la une constellation. Et du coup, quand je l'ai lu, j'ai eu un peu le même choc que vous, j'imagine, parce que c'est quand même une nouvelle atroce. C'est une nouvelle atroce qui a été publiée la première fois dans un journal et les lecteurs ont tellement été choqués par la violence du texte qu'ils ont demandé à ce qu'elle soit retirée. Vous vous souvenez un petit peu de l'histoire? Non, mais moi je garde un souvenir d'une femme qu'on met dans un mur et ses dents, il y a un truc avec ses dents. En fait, ouais, c'est son mari, ils sont cousins et ils se rencontre, ils s'aiment, tout va bien, elle est plutôt jolie, et un jour, elle finit par mourir, et lui, il fixe sur ses dents. Il fait une fixette sur ses dents, il considère que ses dents sont comme des idées. Je dévoile pas la chute, je la mets en ligne sur la page de l'émission, vous allez voir, elle est pas longue du tout à lire, mais elle vous laisse une petite trace. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une référence à Aragon, à Aurélien. Oui, bien sûr. Et là aussi, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Alors je me dis, mais c'est dingue, les deux références littéraires. Les lectures ont commencé, genre, je dis, bah d'accord, super. Oui, oui, mais c'est le livre d'Aurélien d'Aragon est absolument magnifique, vraiment magnifique. Il faut le lire parce que c'est une sublime histoire d'amour. On passe les deux guerres et la fin est sublime. Donc, une constellation, une nouvelle terrifiante, des dents et Aragon avec Bérénice qui n'est pas très jolie au début en tout cas. Franchement, laide même. Vous parlez de votre rapport à la lecture. Quel genre de lectrice vous êtes? Je sais pas, je peux lire de tout. Là, je suis en train de lire Guerre et Paix. Mm-hmm. Mais ça peut être américain, russe, français, des petites nouvelles. Lié à l'actualité ou pas? Rien à voir. Ouais. C'est juste comme ça. Je regarde la bibliothèque et tout d'un coup, il y a quelque chose qui semble évident et je m'y mets. Stéphane de Groot, à vous, la voix de l'une de vos idoles qui devrait vous mettre en appétit. Vous émincez aussi la troisième opéra de Rognon, j'émincez, émincez. Trois ou quatre oignons mignons, voyez. C'était génial. Petits, que vous mettez dans une sauteuse pour les faire blondir. Les faire blondir en compagnie d'un petit morceau de beurre. Et c'est cet oignon de fondu, de foudu. C'est toute cette fondue d'oignons que vous essaissipez de farine, que vous épicissez, et si c'est pas assez épais, vous en mettez. Pierre Rep, ah ouais, comme votre personnage dans la pièce cuisine, en fait, c'est la recette du bœuf miroton. C'est le premier bafouilleur que vous identifiez. Quel est votre rapport à Pierre Rep? Je me dis, la première fois que je l'écoute, je me dis que je suis pas tout seul. C'est drôle parce qu'on en a parlé l'autre jour avec Bernard Murat. On parlait, il me dit, est-ce que tu connais Pierre Rep? J'ai dit, Pierre Rep. Culte. C'est vrai qu'aujourd'hui, peu de gens ont encore en mémoire ce qu'il faisait, ce qu'il commettait. Parce que c'est quand même très très compliqué de faire ça. C'est très dur, il y a plein de textes très très créatifs. Et vous avez rencontré son art, ses vidéos, jeune ou pas du tout? Oui, très jeune. Oui, très jeune, parce qu'il parlait comme moi. Et lui, c'était une performance, alors que moi, c'était un problème. Et bien, c'est devenu une performance, vous carambolez les mots comme Pierre Rep, finalement. Merci. Je prends comme un compliment. Et on finit avec un conseil culture pour les deux amoureux des mots que vous êtes. Une recommandation muette. La Fondation Jérôme Sédou-Pathé projette jusqu'au 27 septembre les films de la période muette d'Alfred Hitchcock. Il a eu cette période-là, des longs métrages qui éclairent toute son œuvre. Il y a 9 films qui vous sont proposés. C'est à Paris, dans le 13e. Donc voilà, c'était mon conseil culture pour tous les deux. Merci, Leïla. Qui résonne avec The Artist, bien entendu, Bérénice. Pardon ? Je disais, il a eu sa période muette aussi après avec les oiseaux. C'était pas Tchekhov ? Avec le 14 novembre, un concert à l'Olympia, il y aura une tournée qui commencera le 1er octobre à Saint-Germain-en-Laye. Imani vous propose son nouvel album qui s'appelle The Wrong Kind of War. Sur lequel figure son nouveau succès. Silver Lining, Clap Your Hands. Et sur cet album, il y a également il y a les deux remixes. Hein. Il y a la version. Vodka Pomme. Avec modération. Avec modération. Et je connais quelqu'un à l'intérieur, laisse-moi rentrer. Voilà. Don't be shy. Et l'autre version. J'ai une copine à l'intérieur. J'ai une copine à l'intérieur. Non, j'avais une bouteille hier, je te jure. Allez, quoi, vas-y, alors relou. Très bien, Nagui. T'as souffert. Ah oui, j'ai souffert. Les videurs, tu veux pas savoir. Et sinon, la version par Imani, de Imani, en live, signée en France pour nous dans la bande originale avec tous ces musiciens. La voici. Don't be shy, Imani. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. I just lay down to my side. Do you feel the heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. I stare, I'm in command. Do you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, yes, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Don't ask me why, don't ask me why. version humaine. Comme a dit Bérénice Bejo, ben elle est vachement bien sa version qui n'est pas votre pomme. Voilà. C'est la version quinoa. Non, c'est pas la version quinoa. C'est la version ressentie. Exactement, exactement. Et qui fait vibrer. Comme tout l'album d'Imani qui s'appelle The Wrong Kind of War. Merci mille fois et à tous les musiciens et à vous, Imani, d'avoir été notre invité dans la bande originale. 14 novembre, ça sera l'Olympia. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Dans les projets, mais alors très rapidement, on va dire que le 14 décembre, vous serez à l'affiche d'un film de Marco Bellocchio, Bérénice Bejo, qui s'appelle Fait de beaux rêves. Le 15 mars 2017, il y a déjà la date, il y a Tout là-haut, le nouveau film de votre beauf, Serge Azanavicius, mais c'est pas un film de beauf. Il y aura Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier et vous. Et vous tournez actuellement avec votre cher et tendre, Michel Azanavicius. Ça s'appelle Le Redoutable, avec Louis Garrel et Stécie Martin, c'est un... C'est une comédie. Une comédie. Donc c'est pas OSS 117, mais c'est pas... Mais c'est pas à l'Est non plus. Non, c'est pas The Search non plus. The Search non c'est, plus. C'est vraiment très drôle. Et il y aura L'enfance d'un chef également, de Bradley Corbet, où vous êtes partagé l'affiche avec Robert Pattinson. Oui. Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Ouais. Et quant à vous... Non, et vous avez oublié, la semaine prochaine, j'ai un film qui sort qui s'appelle Éternité de Trananung avec Audrey Tautou. Non, on l'a pas oublié parce qu'on en a parlé ici avec Mélanie. Bah, déjà, avec Mélanie. On a fait toute une heure et demie là-dessus. On peut reparler quand même. Ok. Voilà, merci. Kaboul Kitchen, ça redébarque sur Canal. Et puis, vous allez démarrer aussi un tournage d'un film l'un dans l'autre, aux côtés de Louise Bourgoin. Quel est votre personnage? Je suis l'amoureux, l'amant de Louise Bourgoin. Je suis gâté pour le moment entre Bénice et Bourgoin. Avec Aura Dica, Pierre-François Martin Laval, un film de Bruno Chiche. Et puis, à la fin de l'année, il sort un film qui s'appelle Corporette, de Nicolas Silleul. Et quand est-ce que vous réalisez votre film, alors? J'espère. Pas dans trop longtemps. Oui, ça c'est un projet que je nourris affectueusement. Ça s'appelle Tout ce que vous voudrez et c'est au théâtre Édouard VII à partir de la semaine prochaine, comme on dit. On vous dit merde. Mille merci en tout cas d'avoir été nos invités merci ici de dans cette accueil. Émission. Merci Bérénice Bejo et Stéphane De Groot. Voici les carnets de campagne de. Pourquoi tu me fais signe non? Si, on y va, on est déjà en retard. Non, carnet de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe, oui, pardon. Salut Nagui, salut tout le monde. Salut, un petit mot quand même rapide. Stéphane disait de la pièce, c'est une pièce à tiroir, j'ai une question, est-ce que c'est commode à jouer? Joli. Bérénice lit guère épais, mais ça se lit vite, mince alors. Oui, j'en suis presque à la fin des 1800 pages. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'était guère épais, bon pardon. Allez. Wow. Merci. C'est le lundi. Bonne émission Philippe. Salut, au revoir. Sur France 3, la capitaine Marlowe fait son grand retour. Je crois que vous avez demandé à me voir. Pardon, j'étais en train de communier avec vos poissons rouges. Plus qu'une enquêtrice, un style. Corinne Maziro et la capitaine Marlowe, une fiction inédite, demain à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, l'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Les éditions Radio France présentent France Culture Papier, une sélection des meilleures émissions de France Culture. Au sommaire du numéro 19, dossier spécial, la création et les idées. Chronologie du conflit syrien par Jean-Christophe Ruffin. Grand entretien avec Jacques Attali. France Culture Papier, une revue disponible en